Éphésiens chapitre 3. C'est pour cela que moi, Paul, je suis prisonnier de Jésus-Christ pour vous gentils. Si toutefois vous avez entendu quel est le ministère de la grâce de Dieu, qui m'a été donné pour vous. Comment par la révélation le mystère m'a été manifesté, ainsi que je l'ai écrit ci-dessus en peu de mots. D'où vous pouvez voir, en le lisant, quelle est l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, lequel n'a point été manifesté aux enfants des hommes dans les autres âges, comme il a été maintenant révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et à ses prophètes. Savoir, que les gentils sont cohéritiers, et d'un même corps, et qu'ils participent ensemble à sa promesse en Christ, par l'Évangile, duquel j'ai été fait le ministre, selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été donné suivant l'efficace de sa puissance. Cette grâce, dis-je, m'a été donnée à moi, qui suis le moindre de tous les saints, pour annoncer parmi les gentils, les richesses incompréhensibles de Christ, et pour mettre en évidence devant tous, quelle est la communication qui nous a été accordée du mystère, qui était caché de tout temps en Dieu, lequel a créé toutes choses par Jésus-Christ, afin que la sagesse de Dieu, qui est diverse en toutes sortes, soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux puissances, dans les lieux célestes par l'Église, suivant le dessein arrêté dès les siècles, lequel il a établi en Jésus-Christ notre Seigneur, par lequel nous avons hardiesse et accès en confiance, par la foi que nous avons en lui. C'est pourquoi je vous prie de ne vous point relâcher à cause de mes afflictions, que je souffre pour l'amour de vous, ce qui est votre gloire. À cause de cela je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel toute la parenté est nommée dans les cieux et sur la terre, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit, en l'homme intérieur. Tellement que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans la charité, vous puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître la charité de Christ, laquelle surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute plénitude de Dieu. Or, à celui qui par la puissance qui agit en nous avec efficace, peut faire infiniment plus que tout, ce que nous demandons et pensons, à lui soit gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans tous les âges, du siècle des siècles. Amen.